Alors Joseph dit : Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez.